Vous écoutez France Culture. Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray à l'Université populaire de Caen. Dixième année, les consciences réfractaires. Aujourd'hui, un Nietzschéen de gauche. Bien bonsoir. Merci d'être là pour cette séance consacrée à Camus. Et une séance consacrée à examiner les rapports que Camus a entretenus à Nietzsche, à la pensée de Nietzsche, au nietzschéisme. On pourrait passer une année entière sur ce que peut signifier être nietzschéen, d'une part, être un nietzschéen de gauche, d'autre part. Il y a des gens qui considèrent que ça n'a pas de sens, ces expressions. Quand je dis des gens, très précisément, des jeunes philosophes communistes, puisque le mot convient, enfin des marxistes d'aujourd'hui, qui considèrent que le nietzschéisme de gauche est une imposture et que Nietzsche est un philosophe réactionnaire, conservateur, fasciste, fascisant, etc., etc. Enfin, toutes choses qui ont été fabriquées par la sœur de Nietzsche, on a eu l'occasion d'en parler, avec ce faux qu'était la volonté de puissance. Donc je voudrais vous dire ce qu'est pour moi un nietzschéen de gauche, parce qu'il a existé, il existe encore un courant de nietzschéisme de gauche. Il a démarré avec Georges Palante, philosophe qu'on a pas mal oublié, et il a existé avec des figures comme Caillois, comme Bataille, comme Deleuze, comme Foucault, comme Guattari, excusez du peu, donc des gens considérables, des gens importants et qui irriguent le XXe siècle. Je pose cette hypothèse, je vais tâcher de vérifier avec vous, que Camus était un nietzschéen de gauche, et être un nietzschéen de gauche, c'est pas penser comme Nietzsche, ça n'a pas de sens. Nietzsche a ce qu'il appelait lui-même une idiosyncrasie, c'est-à-dire un tempérament, un caractère, une physiologie. On ne peut pas avoir la physiologie de son voisin, on a la sienne, point à la ligne. Être nietzschéen, c'est penser là où Nietzsche a laissé la pensée. C'est-à-dire s'installer sur le chantier qu'il laisse quand il devient fou en 1889, avec son œuvre complète. Il a posé un diagnostic qui est celui du nihilisme européen. Un nietzschéen, c'est quelqu'un qui prend à son compte ce chantier et qui dit effectivement il y a un nihilisme européen et nous devons pouvoir trouver une solution à ce nihilisme européen. Il s'agit donc de penser à gauche, à partir de Nietzsche. C'est la définition que je donnerai du nietzschéen. Le nietzschéen de gauche est celui qui pense à gauche à partir de Nietzsche et qui donc n'est pas tenu de répéter ce que Nietzsche va dire dans l'ensemble de son œuvre, d'autant plus que Nietzsche a changé d'avis et qu'il a une période wagnérienne, il a une période épicurienne, il a une période où il devient lui-même, véritablement, et le premier Nietzsche n'est pas le dernier, donc ça n'a pas grand sens de vouloir adhérer à toutes les thèses de Nietzsche, bien sûr. Le premier d'entre eux, c'est Georges Palante, je vous disais, un philosophe bien oublié, plutôt professeur de philosophie, qui écrivait des textes, des comptes rendus, puis des petits textes dans une revue, à l'époque célèbre, la revue du Mercure de France, qui a été l'ami de Louis Guillou, le romancier. Il était prof de philo à Saint-Brieuc, Georges Palante, quand Louis Guillou était pion dans ce même lycée. Et Louis Guillou écrit un beau roman qui s'appelle Le sang noir. Il met en scène un personnage qui s'appelle Cripure, parce que vous connaissez la critique de la raison pure, et bien désormais vous allez connaître la Cripure de la raison tique. C'est la contrepétrie de critique de la raison pure. Et Cripure, c'était donc le surnom de Palante. Il a fait une belle pièce de théâtre aussi, Louis Guillou, qui s'appelle Cripure, et puis un beau livre qui s'appelle Souvenirs sur Georges Palante. Et Palante est quelqu'un qui pense à gauche, à partir de Nietzsche. Palante, évidemment, Camus le connaît, parce que Jean Grenier le connaît aussi. Il l'a rencontré, il l'a connu, ils étaient bretons tous les deux. Et Jean Grenier écrit un livre qui s'appelle Les Grèves et met en scène un personnage qui s'appelle Salan. Salan, c'est encore une fois Georges Palante. Donc il y a une pensée individualiste, libertaire, nietzschéenne chez Palante. Et on a beaucoup oublié ce personnage-là, auquel j'ai consacré mon premier livre, mais pour montrer qu'il y avait vraiment, en France, à cette époque-là, une philosophie nietzschéenne et de gauche. Camus cite la sensibilité individualiste de Georges Palante dans L'homme révolté. Et puis, dans ses carnets, il parle de temps en temps de Georges Palante. Alors évidemment, c'est rapide, c'est une note de lecture, c'est une citation. On pourrait dire de Camus qu'il a été palantien, Mais Grenier l'a été aussi. Et donc il y a une sensibilité entre Grenier, Guillou, Palande, Camus, une sensibilité libertaire, anarchiste, socialiste et nietzschéenne. Le nietzschéisme est quelque chose qui dure chez Camus du début jusqu'à la fin, vraiment. Dans Actuel 3, par exemple, Actuel 2, quand il publie ce recueil d'articles ou d'interventions consacrées à l'homme révolté, pour défendre son homme révolté, il a été beaucoup insulté à cette époque-là, en 1953, il écrit « Je dois à Nietzsche une grande partie de ce que je suis ». Donc on va essayer de voir comment il est un temps intégralement nietzschéen, avant-guerre, je dirais, et plus tard, il est nietzschéen à sa manière, c'est-à-dire qu'il considère effectivement qu'il faut revoir Nietzsche, et je pense que Nietzsche aurait aimé qu'on fût nietzschéen en insoumis. C'est au lycée, très tôt, il a 19 ans, qu'il commence à écrire sur Nietzsche dans une petite revue que Jean Grenier, son professeur de philosophie, a créée, et qui s'appelle Sud. Il écrit un petit texte qui s'appelle « Sur la musique » et qui examine la question de l'esthétique musicale chez Nietzsche et Schopenhauer. C'est un jeune homme, 19 ans, et le texte est pas mal fait, il y a une petite erreur, mais enfin bon, on a le droit de commettre ce genre d'erreur à cette époque-là. Il nous dit, dans son texte, Camus, que l'esthétique de Schopenhauer permet de penser ainsi, la musique permettrait d'échapper au vouloir, nous dit Camus. Le vouloir, c'est le vil allemand, c'est une espèce de force, de puissance. Ce n'est pas la capacité à se déterminer. Quand on dit, on a le vouloir de faire ceci ou de faire cela, on entend autre chose que ce que Schopenhauer appelle lui-même le vouloir. Le vouloir, c'est ce qui constitue le réel, c'est le réel lui-même. Le vouloir, c'est vous, c'est moi, c'est ce qu'il y avait avant nous, c'est ce qu'il y aura après nous, c'est le cosmos, c'est la nature, c'est la puissance. Tout est vouloir. Et Camus nous dit, Schopenhauer fait savoir que le vouloir, eh bien, finalement, on peut y échapper grâce à la musique. C'est faux, factuellement c'est faux, si on lit Schopenhauer et l'esthétique de Schopenhauer. Schopenhauer ne peut pas dire une chose pareille, puisqu'il nous dit qu'elle est le vouloir même, la musique. Donc on ne peut pas, avec la musique, échapper au vouloir. Ce qu'on peut faire, c'est contempler le vouloir dans son essence pure. On peut voir le vouloir sans ses incarnations, voir au sens troisième œil, si vous voulez. Camus nous dit, ça permet d'accéder au rêve. Il n'y a pas de rêve possible chez Nietzsche. Il n'y a pas de rêve possible chez Schopenhauer. On est dans ce monde-ci. On ne peut pas être ailleurs que dans ce monde-ci. Et l'idée qu'on puisse imaginer une sortie de ce monde est une erreur factuelle. Et là, on est dans l'autobiographie. On est dans l'erreur de lecture, mais en même temps, on est dans la vérité autobiographique. Il venait de découvrir Debussy et Stravinsky. On est quand même dans des proximités avec ces musiques-là. Elles sont modernes et contemporaines, ces musiques, à cette époque, malgré le léger décalage pour Debussy. Eh bien, à ce moment-là, il découvre une musique, c'est l'occasion pour lui d'une consolation, et il projette sa sensation, à cette époque-là, la sensation de consolation, sur ce que Nietzsche aurait pu dire ou sur ce que Schopenhauer aurait pu raconter. On voit déjà, donc, qu'à 19 ans, il est nietzschéen, mais pas forcément de manière scrupuleuse. C'est d'abord comme ça que Camus se comportera avec les grands textes. Il n'est pas spécialement respectueux du texte ou du sens intrinsèque. Il a juste envie d'illustrer son propos avec tel ou tel philosophe. C'est ce qui fait d'ailleurs qu'on lui reprochera souvent des lectures fautives. Il a une bibliographie bien faite. Il cite les livres de Nietzsche qu'il a lus, Ecce Homo, Le cas Wagner et Nietzsche contre Wagner. Évidemment, les textes qu'il faut lire pour l'esthétique musicale, il aurait pu ajouter La naissance de la tragédie. Et puis sur Nietzsche, il a lu Pierre Lasserre, Les idées de Nietzsche sur la musique, et Lichtenberger, Henri Lichtenberger, La philosophie de Nietzsche. Pendant l'occupation, donc il a franchi la Méditerranée, il est au Panelier pour des raisons dans le centre de la France, pour des raisons de santé, c'est mieux pour sa tuberculose. Il découvre à cette époque-là trois très gros volumes de Charles Handler, un livre qui s'appelle Nietzsche, sa vie et sa pensée, un livre qui fait encore autorité aujourd'hui, sur les sources de Nietzsche. Un livre un peu fouillis, mais vraiment très bien fait. Donc évidemment, c'est une connaissance de seconde main aussi. Mais il faut se dire qu'à cette époque-là, tout Nietzsche n'est pas traduit, et les traductions de Nietzsche ne sont pas toutes bonnes. C'est un fou furieux qui s'appelle, et c'est fort heureux, qui s'appelle Henri Albert, qui fait les traductions pour les éditions du Mercure de France. Elles sont parfois fautives, un peu lyriques, mais un peu fautives. Et puis après-guerre, il aura un autre rapport à Nietzsche. Bien évident qu'après-guerre, d'aucuns se sont réclamés parmi les nazis de la volonté de puissance, de Nietzsche et du nietzschéisme. Donc c'est un philosophe qui sent le soufre, et à juste titre d'ailleurs. Et il travaille sur la volonté de puissance pour l'homme révolté. Donc on a eu l'occasion déjà de faire savoir que c'est un faux livre fabriqué par sa sœur en taillant dans les papiers qui restaient, en utilisant des paperolles qui étaient ici ou là, et parfois c'était des textes qui n'étaient pas de Nietzsche lui-même, une vingtaine de textes de Tolstoï, sans qu'il soit fait mention qu'il s'agisse de textes de Tolstoï qui se trouvent aujourd'hui dans les éditions de La Volonté de Puissance, donc c'est un livre à ne pas lire. Ou alors c'est un livre à lire en sachant qu'il est dangereux, toxique, et en évitant de le citer comme une base. C'est pourtant le livre que citent Deleuze, Luc Ferry ou Comte-Sponville encore aujourd'hui. Il faut laisser La Volonté de Puissance de côté, c'est un faux livre, c'est un livre qui n'est pas de Nietzsche. Quand en 1950, il réunit ses chroniques dans le volume d'Actuel, alors c'est le premier volume d'Actuel, je vous parlais tout à l'heure du second, celui qui concernait l'homme révolté. Le premier concerne les chroniques écrites pendant la guerre, juste à la fin de la guerre et puis à la libération. Il y a un texte qui est une exergue de Nietzsche. D'abord, il faut rappeler que si ce texte, si ces trois volumes dans lesquels il réunit ces textes s'appellent « Actuel », ça renvoie très précisément à des volumes de Nietzsche qui, eux, s'appellent « Inactuel », « Considération inactuelle », parfois aussi traduit « Considération intempestive ». Nietzsche avait démarré ces inactuels, c'était une façon d'être ironiste, il était très ironiste, Nietzsche, en disant « je vais parler de choses d'actualité, mais en les abordant de manière universelle, de façon à faire de telle sorte qu'on soit dans l'inactuel et l'inactualité ». Et à cette époque-là, quand il appelle son recueil actuel, bien évidemment que c'est un clin d'œil à Nietzsche. Exergue aussi dans ce premier volume de Nietzsche, il écrit, citation extraite du Voyageur et son ombre, « Il vaut mieux périr que haïr et craindre. Il vaut mieux périr deux fois que se faire haïr et redouter. Telle devra être un jour la suprême maxime de toute société organisée politiquement. » Quand en 1957 il reçoit le prix Nobel, c'est un exercice un peu obligé, on rend hommage à ses maîtres, eh bien Nietzsche fait partie de ses maîtres. Et le 3 janvier, dernier jour, comme vous le savez, 1960, de la vie d'Albert Camus, dans cette fameuse Facel Vega conduite par Michel Gallimard, qui quitte la route et qui tue Camus sur le coup, puis Michel Gallimard dans la foulée, eh bien, dans l'accident, la serviette de Camus s'envole dans le champ. Et on récupère les feuillets de ce qui deviendra le premier homme, le manuscrit donc de son dernier livre. Et puis, il y avait également un exemplaire du Gai Savoir. Donc voilà, de 19 ans, le petit texte dans Sud jusqu'à la fin, jusqu'à la mort, Nietzsche n'aura cessé concrètement d'accompagner la vie d'Albert Camus. Nietzsche accompagne aussi l'œuvre. Et il l'accompagne dans un premier temps, je vous avais dit, jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il y a un certain rapport à Nietzsche. C'est le moment du grand oui à la vie. C'est la pensée finale de Nietzsche. C'est le dernier Nietzsche qui nous fait savoir qu'au bout du compte, à la fin du fin, toutes ces recherches nous permettent de comprendre que finalement, il faut dire un grand oui à la vie. Ce qu'il appelle la mort fati, aime ton destin. Ce qui a lieu ne peut pas ne pas avoir lieu. Ne te rebelle pas contre ce qui advient. Tâche d'aimer ce qui advient, et quand tu aimeras ce qui advient, alors tu découvriras une béatitude, nous dit Nietzsche. Et à cette époque-là, Camus y souscrit totalement, pleinement. On est en 1939, Nos Parés, petit livre, livre extraordinaire, c'est à peine un livre, c'est un texte, c'est 6 pages d'une grande densité, en plus d'une grande lisibilité philosophique. C'est un chef-d'œuvre philosophique, c'est un chef-d'œuvre nietzschéen, un chef-d'œuvre existentiel, chef-d'œuvre philosophique dans l'esprit de la philosophie française, de clarté, de lisibilité, etc. Nietzschéen parce qu'effectivement il nous dit oui à la vie, et puis existentiel, et je vais tâcher de vous le montrer, parce qu'il permet de vivre d'une certaine manière. On peut vivre selon Nos. Et c'est une proposition que je vous ferai. Il y a en France aujourd'hui une domination d'un schéma qui est le schéma deleuzien, le schéma de Gilles Deleuze. Gilles Deleuze écrit un livre qui s'appelle « Qu'est-ce que la philosophie ?» avec son ami Félix Guattari. Et Deleuze nous dit dans ce livre, un philosophe, c'est quelqu'un qui crée des concepts. Et c'est quelqu'un qui crée des personnages conceptuels. Concepts, vous savez ce que c'est, sont des mots qui concentrent des idées fortes. Le concept de cogito chez Descartes, par exemple, le « je pense donc je suis », le concept d'impératif catégorique, le concept d'inconscient chez Freud, on a eu l'occasion d'en parler. Ou alors qui crée des personnages conceptuels. Si vous lisez les dialogues de Platon, car il n'y a que des dialogues chez Platon, eh bien vous avez un sophiste, et vous avez Protagoras, par exemple, qui incarne le sophiste, vous avez un hédoniste, vous avez Socrate, qui incarne une certaine figure, qui est celle de ce qu'on appelle l'inscience, c'est-à-dire le fait qu'on sache qu'on ne sait pas. Donc le personnage conceptuel, ça peut être aussi Zarathoustra, bien sûr. Quand on est assis par Zarathoustra, vous avez inventé un personnage, vous avez inventé une figure, Et ce personnage est porteur de votre pensée. Et vous lui faites raconter votre philosophie. Et on est resté, quand je dis on est resté, la philosophie institutionnelle persiste à dire que le philosophe aujourd'hui, ou le grand philosophe, c'est celui qui crée des concepts, c'est celui qui invente des personnages conceptuels. Mais avec cette définition-là, on évince tous ceux qui n'ont pas créé de concepts et tous ceux qui n'ont pas créé de personnages conceptuels et qui pourtant sont des philosophes. Je pense à Montaigne. Prenez les Essais. Eh bien, vous n'aurez aucun concept. Il vous parle de la vie, il vous parle de l'amour, il vous parle de la mort, il vous parle de la liberté, il vous parle des animaux, il vous parle de mille et une choses. Montaigne, il n'y a pas de concept. Il ne parle pas non plus de... Il n'invente pas non plus un personnage conceptuel. Et on pourrait faire la même chose avec les philosophes de l'Antiquité, dont beaucoup nous ont raconté des choses sur la vie, l'amour, la mort, la douleur, la souffrance, mais n'ont jamais fabriqué des concepts. C'est une mode issue du tempérament universitaire, du caractère universitaire, de cette espèce de grande passion, il faudrait faire l'analyse de ça, mais de grande passion française pour la phénoménologie allemande. Et la langue allemande est une langue qui, parce qu'elle fonctionne ainsi, permet de créer des concepts. Parce qu'avec trois mots, vous en faites un, et qu'en France, si vous voulez traduire ces trois mots qui n'en font qu'un, soit vous créez un néologisme, soit vous pratiquez ce qu'on pourrait appeler la religion du tiré, c'est-à-dire des êtres le-là, par exemple, et pour faire voir que l'être le-là, c'est la même chose, pour traduire par exemple « Dasein » de Heidegger, eh bien vous mettez des petits traits d'union, ça devient illisible, l'être-là, l'en-soi, le pour-soi, les relations du pour-soi et de l'en-soi, enfin, d'un seul coup, vous retrouvez devant des concepts qui vous empêchent de comprendre. Donc, il n'est pas Camus dans cette logique-là. Il n'invente pas des concepts, il n'invente pas des personnages conceptuels, et il n'est pas dans la religion du tiré, je dirais. Il est dans la grande tradition de la philosophie française. Il y a une tradition de la philosophie française, je dirais, de Descartes jusqu'à Clément Rosset, pour parler d'un vivant aujourd'hui, et qui sont des philosophes lisibles, clairs. Vous avez une clarté d'expression, vous avez une lisibilité des exposés, vous avez un propos existentiel, souvent des invitations à vivre d'une certaine manière. Rousseau, bien que suisse, peut être considéré comme un philosophe français, eh bien, vous avez des propositions existentielles chez Rousseau, vous en avez chez D'Alembert, vous en avez chez Helvétius, chez D'Holbach. On a examiné la philosophie du XVIIIe siècle. La philosophie française, elle est existentielle, elle est subjective aussi, mais elle est subjective pour parvenir à l'universel. Quand Michel de Montaigne parle de sa chute de cheval, il n'a pas envie de nous raconter un accident, c'est pas ça qui l'intéresse. À partir de cette petite histoire, il médite sur ce que ça signifie mourir. Se sentir partir, se sentir disparaître. Il dit, j'ai vraiment cru que j'allais mourir, j'ai vomi des sauts de sang, etc. Et puis je me suis senti partir doucement, et la mort, finalement, c'est pas si désagréable que ça. Puis finalement, il revient à la vie. Et puis il nous explique que ce qui est difficile, c'est de continuer à vivre avec la souffrance. Il y a toute une méditation universelle. Donc effectivement, dans la tradition française, une parole subjective qui débouche sur l'universel. Une parole qui dit « je », mais qui en même temps dit des choses qui vaudraient pour l'humanité. La phénoménologie est plutôt dans le jargon, dans la démonstration de virtuosité, et les jeux de mots, la création de formules, les collisions verbales, etc. Camus propose donc une phénoménologie non philosophique du monde. Phénoménologie non philosophique, c'est-à-dire description pure du monde, qui ne s'interdit pas la poésie, la littérature, le lyrisme, etc. Ça renvoie à une vieille tradition. Cette façon de procéder, je songe au grand poème pré-socratique sur la nature, ou un peu plus tardivement, à la nature des choses, de la nature des choses, grand poème de Lucrèce, qui fait la démonstration, ce grand poème, qu'on peut dire des choses profondes en philosophie, tout en étant clair, lisible et agréable. Il y a dans l'usage de la philosophie allemande une façon apollinienne, pour utiliser le vocabulaire de Nietzsche, de se comporter. La façon apollinienne, c'est l'ordre, c'est la mesure, ce sont les mathématiques, c'est la construction très claire, harmonieuse, équilibrée. Et puis en face, il opposait, comme vous en souvenez peut-être, le dionysien ou le dionysiaque à l'apollinien. Apollon, dieu de la mesure et de la forme, Dionysos, le dieu des pampres, des vignes, de la danse, de la folie, de tout ce qui peut être bachique. Il y a chez Camus, dans ce petit texte en particulier, une profusion d'images, des juxtapositions de sensations, des synesthésies. Les synesthésies, ce sont des façons de faire fonctionner les sens pour autre chose que ce sur quoi ils fonctionnent habituellement. Normalement, vous sentez un parfum, une odeur, et vous écoutez une musique. Eh bien, on peut sentir une musique ou entendre un parfum. Les fameuses voyelles de Rimbaud sont un exercice de synesthésie. Donc, quand vous avez une possibilité de déranger vos sens, de dérégler vos sens, et effectivement de sentir, voir, goûter, toucher le monde et de l'appréhender de manière sensuelle, vous aurez un usage dionysiaque de vous-même, et vous aurez une lecture dionysiaque du monde. Sa lecture et son écriture est plutôt nietzschéenne. Sa lecture de Nietzsche, pour le dire autrement, sa lecture de Nietzsche le conduit à écrire de manière nietzschéenne, et je pense qu'on pourrait remettre en perspective, et j'avais consacré une séance naguère à ce sujet-là, mais mettre en perspective, ainsi par les Zarathoustra, Enos. C'est pas la même chose, c'est un long poème de plus de 300 pages, Zarathoustra, 6 pages, je vous disais tout à l'heure, pour Enos, mais on a même souci des rythmes, des cadences, des allitérations. C'est une forme lyrique, incantatoire, musicale. J'avais montré que ainsi par les Zarathoustra chez Nietzsche, c'était une espèce de grand opéra sans musique, que c'était l'opéra qu'il aurait probablement voulu écrire et qu'il était très, très, très, très wagnérien dans cette façon d'écrire cet opéra, justement avec le leitmotiv, les récurrences, la construction musicale de son propos. Il est nietzschéen dans sa prose aussi, Albert Camus, et notamment dans cet ouvrage-là. C'est un petit texte qui ne dit pas grand-chose, mais qui dit tout. C'est-à-dire que si vous deviez faire un film avec ce genre de texte, vous auriez vraiment un court-métrage. Et plus qu'un court-métrage, vous auriez quelques secondes d'un personnage que vous verriez plonger dans la Méditerranée, sortir de l'eau, se mettre sur la plage, sur le sable, au soleil, et puis rien d'autre. Et les faits sont sobres, sont extrêmement simples, mais en même temps, la description est ultra-lyrique, ultra-sensuelle, et va au plus profond des choses. C'est pourquoi je parle de phénoménologie non philosophique. La phénoménologie se propose de déshabiller intégralement l'objet jusqu'à la moelle, jusqu'à sa quintessence, jusqu'à son épicentre. Eh bien, il le fait, Camus, mais sans jargon, en ne jargonnant pas, et en parvenant à des effets de style qui sont assez sidérants. C'est un corps qui nage, qui bronze, qui jouit au soleil, qui se repaît de lumière, qui se déplie dans la vie, qui expérimente aussi. Un corps qui expérimente la force, l'énergie, la puissance, et puis qui fait fonctionner ses cinq sens. Alors Diderot disait « nous n'avons pas cinq sens, nous n'avons qu'un seul sens », et il est diversement modifié, et c'est le toucher. Et Diderot disait « nous touchons, et nous touchons avec les yeux, nous touchons avec les oreilles, nous touchons avec etc. etc. » Mais c'est la peau tout entière qui nous permet de percevoir le monde, et Camus nous en fait une démonstration. Effectivement, c'est la totalité du corps, la totalité de la peau qui expérimente le monde, qui goûte le monde, qui touche le monde, qui sent et qui voit le monde. C'est une narration pratique, et qui est en même temps la restitution d'une expérience sensorielle, métaphysique, ontologique, je pourrais dire. Je reviens sur ce mot, on m'a dit l'autre jour, à la fin d'un cours, que j'utilisais beaucoup et que ce n'était pas forcément clair. Je redis ce qu'est l'ontologie. L'ontologie, c'est, Aristote dit, c'est la science de l'être en tant qu'être. Pas besoin de la réalité concrète des choses pour pouvoir disserter sur la substance, l'essence ou la quintessence des choses. Donc c'est un souci d'ontologie qu'il a, Camus. Il s'agit de penser l'être du monde, mais à partir de sa matérialité. Je vous disais tout à l'heure que ce petit texte était une proposition existentielle, c'est-à-dire qu'on peut vivre selon nos. Et c'est pour moi une ligne de fracture considérable, les philosophes qui permettent de vivre et les philosophes qui ne servent pas à vivre. Pas dire pour autant qu'ils ne servent à rien, mais vous avez des philosophes qui pensent les conditions de possibilité de la connaissance, par exemple. Et la critique de la raison pure, c'est tout à fait ça, ou l'odyssée de l'esprit chez Hegel, la phénoménologie de l'esprit. On ne peut pas vivre selon la phénoménologie, on ne peut pas vivre selon la critique de la raison pure, mais on peut vivre selon d'autres textes de Kant, par ailleurs. Hein, la critique de la raison pratique, les fondements de la métaphysique des mœurs, la doctrine du droit, la doctrine de la vertu. Mais avec ce petit texte de 6 pages, vous pouvez vivre quelque chose de radicalement nouveau, une vie hédoniste. Une vie heureuse, une vie joyeuse, une vie d'adhésion au monde, une vie de béatitude. Ces 6 pages peuvent changer une vie. C'est une expérience mystique, c'est une espèce de, on pourrait dire, de baptême païen à partir d'un immense creuset qui est la Méditerranée. Et dans cette Méditerranée, Camus, donc vous si vous voulez, s'éprouve comme fragment du cosmos. Nous sommes fragments du cosmos. On peut très bien, parce qu'on est éduqué à ça, le christianisme nous enseigne ces choses-là, nous sommes séparés du monde, il y aurait Dieu a créé le monde, et puis au bout du monde, il crée l'homme. Et nous vivons dans cette perspective d'une séparation d'avec le monde. Et les livres font ça, nous enseignent ça. La religion nous enseigne ça, le monothéisme nous enseigne ça. Il y aurait le monde et les hommes. Et Camus nous dit, mais le monde est et EST, les hommes, ce sont les hommes. Les hommes, ils font partie du monde. Ils ne sont pas séparés du monde. Nous sommes cosmos. Nous ne sommes pas dans le cosmos, nous sommes fragments et parties du cosmos. Et dans cet exercice de natation, pour le dire dans un vocabulaire trivial, il y a chez Camus une expérimentation, pour le coup ontologique, métaphysique, existentielle, de soi comme fragment du monde. Je suis dans le cosmos, je suis dans le monde et je suis un fragment de ce monde. J'ai beau avoir la conscience, l'intelligence, la raison, le vocabulaire, il n'empêche que je suis dans le monde comme la pierre est dans le monde, comme l'abeille est dans le monde, comme le soleil est dans le monde, comme l'eau de la Méditerranée est dans le monde. Et Camus nous propose cette union, que je dirais mystique, si tant est qu'on est capable de distinguer le mysticisme de sa formule purement religieuse. C'est une formule mystique et païenne qui permet la béatitude et la jubilation. Il y a une jubilation d'être dans cette eau de la Méditerranée. C'est une, on pourrait dire que ce sont les travaux pratiques du surhumain. J'ai eu l'occasion de vous le dire longuement, le surhumain chez Nietzsche, c'est compliqué et simple en même temps. C'est simple parce que ça se dit en trois mots. La volonté de puissance, c'est la vérité de tout ce qui est. Nous sommes nous-mêmes fragments de la volonté de puissance. Si nous sommes au courant que nous sommes fragments de cette volonté de puissance et que nous y consentons, c'est le sens de la morphatie, alors nous découvrirons une jubilation et une béatitude. Ça s'appelle le surhomme. C'est ça le surhomme chez Nietzsche. C'est savoir que nous sommes fragments de volonté de puissance, y consentir, le vouloir et en jouir, et connaître une béatitude. Donc c'est très simple. Maintenant, c'est difficile à faire, parce qu'il faut une vie entière pour s'expérimenter comme tel. Eh bien, l'exercice proposé dans Nos, il n'est pas proposé, mais enfin raconté dans Nos, ce bain païen, c'est un exercice pratique pour parvenir au surhumain. Nos nous montre une façon d'être au monde dans laquelle nous nous expérimentons comme une partie qui jubile d'être dans cet univers. Il y a des choses extraordinaires dans Nos. Alors, pour reprendre ma fiche de lecture, hein, la brûlure du soleil, le parfum des absinthes, la cuirasse d'argent, c'est son expression de la mer, les gros bouillons de la lumière, l'odeur des plantes aromatiques, le soupir odorant, nous dit-il, et âcre de la terre d'été, les bougainvilliers rosa, les hibiscus rouge pâle, les roses thé épaisses comme de la crème, les bordures d'iris bleu, les lentisques et les genêts qui débordent des ruines, les plantes grasses avec des fleurs violettes, jaunes ou rouges, la laine grise des absinthes, la fermentation de leurs essences entêtantes, l'alcool de ces fleurs qui fait vaciller le ciel, nous dit-il, l'héliotrope blanc, le géranium rouge sang, le crépitement des pierres. C'est un champ de ruines, hein, Tipaza. La mémoire des âmes mortes de ces Romains qui sont repartis au néant, et puis le bruissement des insectes, un bruissement permanent. Ces sarcophages qui sont vides, vides de vie, vides de mort aussi, puisqu'il y avait des corps là, mais qui sont aujourd'hui pleins de sauge et de ravenelles. C'est tout ça qu'il nous raconte sur 6 pages. Vous imaginez l'état d'incandescence littéraire dans lequel il se trouve quand il écrit une chose pareille, et il n'était pas du genre à fonctionner au whisky et au corydrane ou aux amphétamines, Albert Camus. Il fonctionnait à l'eau, et c'est un texte magnifique, d'une grande beauté littéraire. Ça devient, on pourrait presque utiliser le vocabulaire de Deleuze, hein, soit un concept, Tipaza, soit un personnage conceptuel. La Méditerranée, pour lui, bien sûr, c'est plus que de l'eau. On ne se baigne pas que dans de l'eau quand on se baigne dans la Méditerranée, on se baigne aussi dans de l'histoire, de la mythologie, de la poésie, de la littérature, de la philosophie, bien sûr, de la géographie ou de la politique. Dans cet exercice de 6 pages, Camus propose d'illustrer, c'est moi qui fais le rapprochement, hein, la référence à Épicure ne s'y trouve pas, mais il propose une vie épicurienne. Épicure nous disait qu'il nous fallait vivre tel un dieu parmi les hommes, tel un dieu parmi les hommes. Et de fait, c'est ce qu'il nous propose. Juste une citation, il nous dit, Camus, dans ce texte-là, « Il n'y a pas de honte à être heureux, mais aujourd'hui, l'imbécile est roi. Et j'appelle imbécile celui qui a peur de jouir. » Il est critique de tout, et il se fait très nietzschéen dans sa critique, mais il est critique de tout ce qui pourrait rappeler le christianisme dans cette aventure. C'est l'idée qu'on puisse avoir du plaisir à nager, à jouir du soleil, de la lumière, etc., etc. Évidemment, les chrétiens pourraient trouver que c'est un péché. On jouit à soi-même, on prend plaisir à soi-même, on prend plaisir au monde, et le christianisme ne nous a pas dit qu'on était là pour ça. Il nous a même plutôt dit qu'on était là pour expier le péché originel. Alors évidemment, il réfléchit sur la culpabilité chrétienne, la haine du corps, la damnation de la chair, le discrédit de la sensualité, la faute, le péché, etc. Il nous dit, mais pourquoi est-ce qu'on ferait de cette expérience-là quelque chose qui relèverait de l'orgueil animal. Il nous dit qu'il faut aimer ça, il faut vouloir ça. Il lutte, Camus, contre l'idéal ascétique chrétien. En ce sens, il est évidemment complètement nietzschéen. Il est totalement nietzschéen. Et il propose un genre de paganisme qui est foi dans l'énergie de ce qu'on voit. Il suffit de regarder et d'aimer ce que l'on voit. C'est un panthéisme au sens étymologique, c'est-à-dire Dieu est partout. Il est nulle part en particulier, mais il se confond à la nature. C'est ce que pense le panthéiste. Belle phrase d'Albert Camus, il écrit « À Tipaza, je vois équivaut à je crois ». C'est une pensée païenne, la pensée de Camus. Mais alors évidemment, on a voulu en faire une pensée chrétienne. En 1956, certains du moins ont voulu en faire une pensée chrétienne. En 1956, il donne un entretien au journal Le Monde et il dit qu'il ne croit pas en Dieu, mais qu'il n'est pas athée. Alors évidemment, dans notre civilisation, où on croit en Dieu, on n'y croit pas, et si on ne croit pas en Dieu, c'est qu'on est athée, c'est problématique. Ne pas croire en Dieu et ne pas être athée, alors on est quoi? Alors on est où? Il y a une récupération chrétienne à partir de ce texte-là, d'autant qu'il écrit La Chute, et que La Chute, le titre parle tout seul, La Chute, c'est effectivement le péché originel, mais dans La Chute, on y voit l'impossibilité de la rédemption dans un monde sans Dieu, et dans un monde aussi qui a fait son deuil de la grâce. Si Dieu n'existe pas, si la grâce n'est pas possible, alors quelle rédemption est possible si le péché originel existe? C'est une question de culpabilité personnelle. Sa femme souffrait, sa femme était malade, sa femme était dépressive, sa femme était hospitalisée, il collectionnait les femmes et les aventures amoureuses, et il se sentait coupable de l'état dans lequel était sa femme à cette époque-là. Donc c'est une culpabilité personnelle que celle de Camus dans La Chute, et puis il est fatigué, épuisé, il a été broyé et ravagé par les journalistes, les philosophes, Sartre et les Sartriens après l'apparition de l'homme révolté. Donc c'est une souffrance personnelle, ça n'a rien à voir avec une espèce de méditation de chrétien qui s'ignorerait. Et donc il n'y a pas d'interdiction entre le fait qu'on puisse dire d'une part je ne crois pas en Dieu et d'autre part je ne suis pas athée quand on est païen. Il s'agit de souscrire à la jubilation panthéiste d'être au monde. Il y a ce monde et moi, nous ne faisons qu'un. Et quand j'expérimente cette unité, en sachant que je suis fragment de ce cosmos, mais que je suis cosmos tout de même, alors il y a une jubilation. Et cette jubilation-là, c'est une expérience qu'on pourrait dire religieuse. Si tant est que, Littré nous le dit, mais tout le monde n'est pas d'accord, mais que l'étymologie de religion, ce serait ce qui relie, religare, ce serait ce qui relie. On peut imaginer effectivement que ce qui relie l'homme au monde, c'est une religion, et pas besoin de Dieu pour ça. Donc on voit que cette religion, elle peut être sans Dieu, sans pour autant être athée. Il suffit juste d'une espèce de ferveur païenne, et c'est la sienne. C'est un culte de l'immanence que la pensée d'Albert Camus, et l'immanence, c'est la possibilité de saisir les forces qui font le monde, et qui font tenir le monde, et ce savoir soumis à ces forces qui font et qui font tenir le monde, comme n'importe quoi dans la nature ou dans la réalité du monde. On peut, me semble-t-il, en appeler au cosmos, qui n'est pas hors du monde, puisqu'il est le monde. On peut éviter de se penser opposé au cosmos et penser le cosmos en disant qu'il nous faut nous trouver une place dans ce cosmos. Ça veut dire qu'on est dans ce monde. Il n'y a donc pas d'arrière-monde. En ce sens, il reste nietzschéen. Nietzsche nous dit qu'il n'y a pas d'arrière-monde. Et la religion, quelles que soient les religions, depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin de l'humanité, une religion, elle explique toujours ce qui est ici et maintenant par des arrière-mondes. Eh bien, pour Camus, il n'y a pas d'arrière-monde. Se retrouver ou se penser dans le cosmos, ça reste une opération purement immanente, pas de transcendance, pas de Dieu, pas d'arrière-monde. Le texte de Noce est vraiment un texte nietzschéen. Dans L'été à Alger, notre texte, court lui aussi, un petit peu plus long mais court, Camus nous dit qu'en Algérie, le christianisme n'a pas eu raison de la naïveté et de la simplicité grecque. Naïveté, c'est à entendre au sens étymologique, c'est-à-dire ce qui est natif, ce qui n'a pas été abîmé par la culture ou par la présence au monde. On est immédiatement au monde et il y a une espèce de jouissance au monde. Eh bien, Camus nous dit, en Algérie, le christianisme, il reste dans la naïveté grecque. Il fait un diplôme de, on dirait, master aujourd'hui, l'équivalent d'une maîtrise à l'époque, sur Augustin et Plotin, qui sont deux penseurs de son côté de la Méditerranée à lui, c'est-à-dire l'Algérie, pour parler aujourd'hui dans des configurations contemporaines, et puis pour Augustin, et puis l'Égypte pour Plotin. Et il nous dit effectivement que la pensée de ce côté-là de la Méditerranée, elle reste naïve, elle reste simple. De ce côté-là de la Méditerranée, en Algérie, quand on meurt, on sait ce qu'on perd quand on meurt, parce qu'on connaît la vraie valeur de la vie. En Afrique, on aime la vie simple, la joie facile, le bonheur d'être au monde. On ne se protège pas du monde, nous dit Camus, avec des livres, avec des bibliothèques. C'est ce que nous avons appris, nous, en Occident, la plupart du temps. On a cessé de regarder le monde et on ne pense le monde qu'avec nos livres, qu'avec nos concepts, qu'avec nos idées, qu'avec nos bibliothèques. Le monothéisme rend ça possible, évidemment. Avant le monothéisme, on questionne le ciel, on questionne la terre, on questionne la nature. On interroge l'humidité, on interroge la couleur d'une fleur au lever du soleil ou au coucher du soleil, et puis on décode le monde. Avec le monothéisme, on ne regarde plus le monde, on regarde ce que le texte dit du monde, ce que la Torah dit du monde, ce que la Bible dit du monde, ce que le Coran dit du monde. Et puis la plupart du temps, on se soucie moins de ce que dit le texte que de ce que les interprètes autorisés du texte nous disent ce qu'il faut en comprendre. Donc la plupart du temps, on remet notre pensée entre les mains des prêtres, des curés, des imams ou des rabbins. Il faut pouvoir retrouver directement le sens du monde et ne pas intercaler entre nous et le monde la culture, le savoir, même s'il y a des beautés du savoir et de la culture. Et quand il parle de l'Italie et qu'il parle de Florence, et bien il nous dit « c'est bien Florence est une ville civilisée, mais Alger c'est mieux. C'est mieux parce qu'il y a de la création ». Parce que cette ville, elle est peut-être simple, elle est peut-être brutale, elle est peut-être naïve, elle est peut-être sommaire, elle n'est pas cultivée. Et effectivement, si vous allez en Algérie, vous n'aurez pas de musée, vous n'aurez pas de belles peintures, vous n'aurez pas de beaux monuments, encore que. Mais vous aurez la vie, vous aurez la beauté du monde, vous aurez la réalité du monde. Et Camus écrit « Le contraire d'un peuple civilisé, c'est un peuple créateur. » Le contraire d'un peuple civilisé, c'est un peuple créateur. Phrase très nietzschéenne, pourrait très bien retrouver une phrase comme ça dans « Par-delà le bien et le mal ». Alors évidemment, le peuple civilisé, c'est le peuple européen, et le peuple créateur, c'est le peuple algérien. Et voilà pourquoi je dis toujours qu'il n'y a pas eu plus amoureux de l'Algérie qu'Albert Camus, qui a dit de l'Algérie qu'elle était effectivement une possibilité de salut pour l'Europe nihiliste. Il pense que l'Europe nihiliste, elle est condamnée si on est incapable de lui insuffler un peu de vie, beaucoup de vie même, de la vitalité. En Algérie, on pourrait dire qu'à cette époque, évidemment, quand je vous dis en Algérie, je parle de l'Algérie de 1939, en Algérie, nous dit Camus, et enfin, il ne nous le dit pas comme ça, mais on pourrait dire qu'on est nietzschéen sans avoir lu Nietzsche, et qu'on n'a même pas besoin de lire Nietzsche. Il suffit de sortir, d'être de plein pied avec la Méditerranée, de se trouver sur la plage, de se baigner, de courir, de jouer au foot, de courir après les filles, de manger un poisson grillé au bord de la Méditerranée. On y vit sur ce lieu-là, sans mythe, sans consolation, sans gâcher le présent par la nostalgie du passé, ou sans crainte du futur qui pourrait angoisser. On vit dans un présent pur. Ici, nous dit Camus à cette époque-là. En Algérie, on n'aime pas ce qui est stable, on préfère le mouvement et la vie. On n'a pas de talent pour les idées pures, nous dit-il, ou les concepts ou les discours, mais on s'immerge tout entier dans le cours du monde comme il est. Le péché chrétien n'a pas de sens de ce côté-ci de la Méditerranée. Et il nous dit, si péché il y a, eh bien, il est extrêmement simple. La malédiction pour Camus, c'est de ne pas savoir se contenter de ce monde-ci. La malédiction ou le péché, ce serait la bêtise d'espérer. La sottise, c'est aussi de passer à côté de cette vie qui est la seule que nous ayons. Cette vie, vivez-la, nous dit Camus. Tâchez de la vivre, et chaque seconde perdue est définitivement perdue parce que nous sommes inscrits dans le temps. Il faut donc savoir utiliser sa présence au monde en sachant goûter la quintessence de ce qui est, de chaque instant. Alors évidemment, on est dans 1939, il est de ce côté-ci de la Méditerranée, et il nous dit, il y a une solution au nihilisme européen. Alors le nihilisme européen, il n'est pas encore ce qu'il imagine, la guerre n'est pas encore déclarée, mais c'est cette fameuse Algérie dont il vante la vitalité, la force, la santé, etc. Et mais il y a la guerre, la déclaration de la Deuxième Guerre mondiale, il y a le national-socialisme, les camps, la libération des camps, et alors là, on ne peut plus être nietzschéen comme on l'était précédemment. Ce grand oui à la vie, si vraiment il est total, général et universel, alors c'est aussi un grand oui au camp de concentration. Comment est-ce qu'on peut faire pour penser ces choses-là nouvellement? Comment est-ce qu'on peut lire Nietzsche après Auschwitz? À 19 ans déjà, Camus s'était insurgé contre des mauvaises lectures de Nietzsche. Et il y en eut à toutes les époques. Et que, par exemple, son immoralisme ontologique n'est pas une amoralité pratique. Ce n'est pas parce qu'on a dit que la morale n'était pas universelle, générale, définitive, que pour autant toute morale n'est pas pensable. S'il n'y a pas un bien et un mal absolu chez Nietzsche, il y a quand même un bon et un mauvais relatif, ce qui n'est pas rien. Donc il avait saisi ça déjà à cette époque-là, Camus, mais il s'appuie toujours sur des choses qui restent d'actualité. Nietzsche a diagnostiqué le nihilisme européen, il l'a bien fait et pas besoin de revenir là-dessus. Ce nihilisme européen, il entretient une relation avec la mort de Dieu. Il faut penser sur ce terrain métaphysique. La morale judéo-chrétienne, c'est fini, c'est terminé. Il faut une nouvelle éthique, une éthique solaire qui soit fidélité à la terre, au monde et amoureuse du réel. Et c'est le noyau dur de la pensée de Nietzsche, et il conserve ça. À 39 ans, il nous dit qu'il y a d'autres erreurs de lecture qui ont été effectuées sur Nietzsche, surtout l'histoire du surhomme et du surhumain. Quand les nazis se sont emparés de la pensée de Nietzsche pour dire que le surhomme, c'était le nazi armé, casqué, botté, qui était capable d'envoyer des gens froidement dans les camps de concentration, évidemment, on s'est trompé. S'il y avait eu une catégorie de sous-homme chez Nietzsche, elle aurait pu correspondre aux nazis. C'était celui qui pensait que le réel pouvait être autre que ce qu'il était. C'est celui qui pensait qu'on pouvait tuer ou massacrer et qu'on changeait quoi que ce soit au monde, ou quelque chose au monde, du moins en procédant de cette manière-là. Il n'y a pas plus anti-surhumain, pas plus anti-surhomme qu'un nazi dans l'esprit de Nietzsche. Alors évidemment, la récupération du surhomme par les nazis est fautive, nous dit Camus. Ceci dit, Nietzsche est fautif aussi de ne rien avoir écrit et qui empêche qu'on récupère cette théorie du surhomme. Et il parle, toujours un oxymore, hein, il parle d'une responsabilité involontaire de Nietzsche sur ce terrain-là. On ne peut pas reprocher à Nietzsche de ne pas avoir écrit quelque chose en disant qu'il interdisait qu'on interprète mal telle ou telle pensée, encore qu'on pourrait même imaginer qu'il a écrit 500 fois dans son œuvre complète des choses qui montrent que l'incompatibilité avec le nazisme était radicale. Nietzsche, par exemple, détestait les antisémites. Nietzsche détestait l'État. Il y a plein de choses qui font qu'on peut pas arraisonner comme ça Nietzsche ou utiliser Nietzsche pour le national-socialisme. Enfin, c'est un autre débat. Dans ce chapitre qu'il consacre à Nietzsche dans L'homme révolté, et où il fait le point en disant Nietzsche oui et non, on ne peut pas souscrire comme on souscrivait à l'époque de Noss, il nous dit Nietzsche ne tue pas Dieu. Il annonce la mort de Dieu, mais il annonce une mort parce qu'il y a une mort avec un coupable un peu étonnant. C'est-à-dire, quand on lit ça sous la plume de Camus, il nous dit « Mais qui a tué Dieu ?» Mais il dit « C'est l'Église. C'est l'Église qui a tué Dieu. » Parce que l'Église a trahi le message de Jésus. Et Jésus, d'une certaine manière, il était nietzschéen, nous dit Camus. Nietzschéen parce qu'il invitait, et c'est pas si sot que ça, hein, il invitait, nous dit-il, Jésus, hein, si on comprend ce que les évangiles nous disent de Jésus, eh bien, vous y verrez effectivement un philosophe qui invite à aimer le monde comme il est, et qui invite à ne pas juger le monde comme il est. Juger le monde, ce serait juger le créateur. Juger la créature, ce serait juger le créateur. Donc Jésus nous dit qu'il faut aimer le monde comme il est. Se contenter de ne pas ajouter de négatif au négatif, ne pas ajouter du mal au mal, et proposer, ce que fait Jésus, une éthique concrète ici et maintenant. L'amour du prochain, le pardon des péchés, la douceur, etc., etc. Donc Camus nous dit, mais regardez ce Jésus, il est très nietzschéen, d'une certaine manière, et ce Jésus-là n'est pas le Jésus de l'Église. Et c'est saint Paul qui, lui, haïssait le corps, les désirs, les plaisirs, les sensations, les femmes, etc., qui a perverti le message évangélique. Le christianisme s'est réclamé du Christ, et pas de Jésus. Et en se réclamant du Christ, il a rendu possible la mort de Dieu. Il a tout moralisé, il a tout jugé, il a tout calomnié, le christianisme. Il a inventé le péché, le libre arbitre, la culpabilité, la punition, récompense, enfer, purgatoire, etc. Vous connaissez l'histoire. Or, le monde, il est comme il est, et il faut l'aimer comme il est. C'est la leçon, d'après Camus, de Jésus, et c'est la leçon de tout nietzschéen. La théorie de la mort fatie, vous la connaissez, j'ai eu l'occasion d'en dire deux mots tout à l'heure, hein, la volonté de puissance et la vérité de ce qui est, et il y a un éternel retour de ce qui est. Alors ça, c'est une pensée aussi avec laquelle il faut composer, parce que si on doit aimer ce qui est, alors Camus pose la question, faut-il aimer les camps de concentration ? Faut-il aimer le national-socialisme ? Faut-il aimer les nazis ? Faut-il aimer ce que depuis Lanzmann on appelle la Shoah ? Faut-il aimer ça comme le reste ? Ou est-ce qu'il faut avoir un amour sélectif en disant « ça je prends, ça je ne prends pas » ? Dans l'esprit de Nietzsche, et c'est moi qui commente, hein, ça ne se trouve pas sous la plume de Camus, mais dans l'esprit de Nietzsche, ce qui est a déjà eu lieu et aura lieu en permanence. Ça se reproduira sans cesse. Ce que nous vivons là, tout de suite, ensemble, eh bien, nous l'avons déjà vécu. Et nous le revivrons. Et nous le revivrons un nombre éternel de fois, nous dit Nietzsche. Ça veut dire que qu'à Auschwitz, pour utiliser ce nom, Auschwitz, qui a eu lieu dans les dates que vous savez, a déjà eu lieu et aura lieu un nombre indéfini de fois. Et Nietzsche nous dit, c'est comme ça. C'est ainsi, on n'a pas le choix. Il faut aimer ce qui est, ça ne sert à rien de vouloir autre chose que ce qui est, parce que quand vous croyez vouloir autre chose que ce qui est, vous obéissez encore à ce qui est. C'est la pensée de Nietzsche, elle est assez terrible. C'est pour ça d'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, que chez Nietzsche, il y a de la cruauté. C'est quoi la cruauté chez lui ? C'est accepter la vie jusque dans ce qui semble la nier. Ou qu'il nous fait une critique de la pitié, quand on nous dit que la pitié est inutile parce qu'elle n'empêche pas ce qui est d'être. Si vous avez devant vous quelqu'un qui est dans la misère, il n'y a pas de raison que vous ayez de la pitié pour lui, puisque de toute façon, s'il est dans la misère, c'est qu'il l'a été, qu'il le sera éternellement. C'est bêtement une pensée, la pensée de l'hindouisme, hein. C'est aussi bêtement la pensée de l'éternel retour de certains présocratiques, c'est une vieille pensée. Donc, évidemment, Camus ne peut pas souscrire à ça. Il ne peut pas souscrire à l'éternel retour de Nietzsche en nous disant que, finalement, il faut dire un grand oui à la vie. Oui à Tipaza et à tout ce qui fait Tipaza, ça fait sens. Mais oui, à Auschwitz, ça n'a pas de sens. Pour un Nietzschéen intégriste, ça a du sens de dire oui à Auschwitz, puisqu'on n'a pas de possibilité de dire non. Mais pour Camus, ça n'est pas possible. Et si on ne dit pas oui à tout, alors on dit non. Et c'est le sens de la révolte. Et c'est le sens de l'homme révolté. L'homme révolté, c'est celui qui dit non là où on ne peut pas dire oui. La mort d'un enfant, je vous renvoie à la peste. Ou la mort d'un innocent, ou la maladie d'un innocent. On ne peut pas dire oui à ça. Ça n'a pas de sens. Nietzsche dit si, ça a un sens, c'est même le sens du réel. Camus nous dit non, ça n'a pas de sens. Camus continue à examiner ce que Nietzsche et le nietzschéisme ont donné ou ont produit comme type d'effet. Il nous dit par exemple que le marxisme-léninisme, il est paradoxal aussi, c'est l'une des modalités du nietzschéisme. L'Union soviétique a pris en charge le projet du surhumain. Là où le surhumain devait dire oui à la volonté de puissance, eh bien le marxiste-léniniste dit oui à l'histoire. Et avec un peu de Hegel, avec un peu de dialectique hegelienne, etc., mais il vous suffira de dire, effectivement, l'histoire veut ça. Eh bien, tâchez de vouloir ce que veut l'histoire. Si l'histoire veut du goulag, si l'histoire veut du barbelé, du camp de concentration, si l'histoire veut de la terreur, si l'histoire veut un Lénine ou un Staline, c'est que, finalement, c'est dans le sens de l'histoire, et ça n'a aucun sens de ne pas vouloir le sens de l'histoire, nous dit Camus. Donc il y a du nietzschéisme dans le marxisme-léninisme de l'époque, et on dit oui à l'histoire comme d'autres diraient oui à la volonté de puissance. Ce sont deux fatalismes ontologiques, et dans ces deux cas-là, le marxisme, léninisme et le national-socialisme ou le nietzschéisme, les individus, ne comptent pour rien. Camus nous dit, Nietzsche pensait qu'il vaincrait le nihilisme, en fait, il l'a accompagné. Pas volontairement, mais de fait, il a accompagné le nihilisme avec une pensée qui a rendu possible la justification de l'injustifiable. Le grand oui n'est pas possible dans un monde qui a connu les camps de concentration. Le grand oui à la vie n'est plus possible après Auschwitz. Sur le rapport Nietzsche-Camus, on peut dire encore deux ou trois autres choses, on pourrait en dire beaucoup, mais je voudrais aussi dire deux ou trois choses sur la question de la souffrance et sur la question du philosophe artiste. Nietzsche, c'est une pensée de la douleur, c'est une pensée de la souffrance, c'est une autre proximité que Camus a avec Nietzsche. Nietzsche a contracté une syphilis probablement dans un bordel très tôt, à 17 ans, l'âge qui est celui de Camus quand il découvre sa tuberculose. On ne soigne pas la syphilis à cette époque-là, à quoi il faut ajouter probablement un terrain psychiatrique problématique et puis une névrose consécutive au fait qu'il ait vu son père mourir, Nietzsche. Donc il y a des raisons multiples, mais il y a cette souffrance, il y a cette maladie qui va accompagner Nietzsche toute son existence. Et Camus, c'est la même chose. Il sait, quand il a une tuberculose, que sa vie sera courte. Quand on découvre ça à 17 ans, il sait que la vie est brève, qu'elle sera décadente, qu'il y aura des rechutes. Et nager, courir, jouer au foot comme il le faisait, danser, faire la fête, tout ça avec la mort dans les poumons, c'est une expérience existentielle. Il expérimente la mort au quotidien, l'essoufflement, les crachats, le sang, la fièvre, la transpiration, les crises. Si vous lisez ses carnets, eh bien vous découvrirez des moments d'abattement, d'épuisement, d'extrême fatigue, parce qu'il souffre. Et voilà comment il faut comprendre le mythe de Sisyphe. C'est un livre qu'il écrit, on ne le dit pas assez, c'est un livre nietzschéen, mais qu'il écrit en 1936, qu'il commence en 1936 et qu'il publie en 1942, c'est-à-dire, et c'est important de ne jamais oublier ça, il commence à 23 ans et qu'il publie à 29 ans. Donc c'est un livre d'extrême jeunesse. Ce n'est pas le livre d'un vieux monsieur qui philosophe, c'est le livre d'un jeune homme qui sait qu'il va mourir. Voilà comment il faut penser les conditions d'écriture de cet ouvrage-là. C'est un journal de bord, c'est le journal de bord ontologique d'un malade, le mythe de Sisyphe. Voilà pourquoi démarre avec cette phrase qui résonne Stendhal dirait comme un coup de pistolet dans une église, c'est-à-dire que le suicide est la seule question philosophique qui vaille. Voilà pourquoi, quand on a 14, 15, 16, 17 ans et qu'on lit Camus et qu'on découvre ça, c'est une gifle qu'on prend. Le suicide, nous dit-il, est la seule question philosophique qui mérite d'être posée. En effet, à quoi bon vivre puisqu'il faut mourir ? Et puisqu'il faut mourir jeune et tôt, puisque la tuberculose est là. Alors évidemment, ça n'est pas un livre facile. Non pas qu'il soit complexe, mais il est mal fichu, comme un journal de bord, si vous voulez, juxtapose les analyses, les notes de lecture, il change de thématique, il développe comme pour lui. C'est presque un monologue, le mythe de Sisyphe. C'est comme ça qu'il faut l'entendre, comme si Camus se parlait à lui-même, comme s'il réfléchissait en sa propre compagnie, en se disant « mais comment vais-je pouvoir vivre une vie, sachant qu'elle va être courte et que je vais devoir bientôt mourir ?» Alors il cisèle une formule de temps en temps, un aphorisme, mais il cherche toujours à comprendre pourquoi et comment il va vivre une vie qu'il faudra vivre sous le signe de l'absurde. Il écrit, dans le mythe de Sisyphe, « Le système, lorsqu'il est valable, ne se sépare pas de son auteur. » Grande idée nietzschéenne, une idée que n'a pas intégré l'institution philosophique aujourd'hui, qui pense que les idées tombent du ciel et qu'en tombant du ciel, elles atterrissent dans l'âme et dans l'esprit d'un philosophe qui n'a pas de corps, et d'où l'intérêt des concepts qui nous permettent d'oublier le monde et nous séparer du monde. Non, Nietzsche dit hein, une philosophie, ça sort d'un corps, ça surgit d'un corps, ça ne tombe pas du ciel, ça monte de la terre et ça passe par le corps. Et Nietzsche le pense, Camus y souscrit également. C'est un autoportrait, finalement, le mythe de Sisyphe, chose qu'on ne dit jamais, mais toutes les thématiques abordées par Camus, elles sont des thématiques autobiographiques. La tentation du suicide, la mort absurde, son père est mort à la guerre, la maladie, il a séduit, il courait après les filles, il en a collectionné beaucoup, il a joué la comédie sur les planches, il s'est habillé, il s'est comporté en dandy, ce sont des passages du livre. Il nous dit l'absurde n'est pas en soi, ça n'existe jamais en soi, quelque chose n'est pas absurde dans l'absolu. Quelque chose n'est absurde que quand on l'a comparé et quand on a constaté à l'issue de cette comparaison qu'il y avait un décalage. Donc la vie n'est pas absurde. Mais si on pense la vie en regard d'autre chose, l'éternité par exemple, alors oui, elle paraît absurde. Il va nous falloir mourir. Donc comparée à la mort, la vie est absurde. Elle ne l'est pas en soi ou a priori, mais elle l'est après comparaison. Et dans la logique du décalage. Il donne des exemples, il nous dit il y a de l'absurdité, par exemple, dans le fait d'attaquer une batterie de mitrailleuse au couteau. Il y a de l'absurdité dans l'inerte d'un corps mort. Pensez à un corps de sa grand-mère. Il y a de l'absurdité, nous dit-il, chez le Don Juan, qui cherche à fuir l'absurdité du monde, mais qui finalement accélère le caractère absurde du monde. Il y a de l'absurdité chez le comédien, qui transforme le paraître en être. Et il y a de l'absurdité chez le conquérant ou chez le créateur, qui sont tous des dévots de la cause absurde. Alors, il y a du journal autobiographique, vous disais-je, mais il y a aussi des notes de lecture. Il lit beaucoup. Quand Jean Grenier lui conseillait, il a lu en terminale, il a lu à l'université. Et il y a des citations en abondance de Jaspers, de Chestov, de Kierkegaard, de Scheller, de Nietzsche, de Husserl, de Dostoïevski, Kafka, Plotin, etc. Bien sûr, il ne les analyse pas. Et tout le monde va pouvoir râler, mais il n'en a cure, Camus. Il n'a pas envie de faire de l'analyse de texte, il a juste envie de les convoquer pour illustrer son propos. Et puis dans le mythe de Sisyphe, vous avez à la fin, et c'est quand même un génie de la construction, quoi qu'on en pense, même si ce n'est pas un modèle de construction, mais il y a un tout petit texte éponyme qui s'appelle aussi donc le mythe de Sisyphe, dans le mythe de Sisyphe, et tout y est, comme dans une nouvelle de Maupassant, où la chute en trois lignes donne un sens à la totalité de la nouvelle. Il nous raconte cette histoire de Sisyphe que vous connaissez, c'est cet homme qui est condamné à pousser un rocher jusqu'en haut de la montagne, et le rocher redescend sans cesse, et il repousse le rocher en haut de la montagne, et hop, et ça recommence. C'est le travail de Sisyphe. C'est la métaphore de l'éternel retour, bien sûr. Sisyphe est l'homme qui subit l'éternel retour. Il grimpe ce rocher au haut de la montagne, le rocher redescend, il regrimpe, etc. etc. L'éternel retour. Comment on fait devant l'éternel retour ? Nous dit Camus, on pourrait même dire se dit Camus à lui-même. Il dit, à un moment donné de son analyse, « Sisyphe juge que tout est bien. » Juge que tout est bien. Propos éminemment nietzschéen. Il nous dit « il y a de l'absurde, on va mourir. Quelle est la solution ? Eh bien, il faut aimer cet absurde. » Conclusion nietzschéenne. Oui, c'est absurde, je suis tuberculeux, je n'ai pas encore 20 ans, encore 30 ans, je vais mourir de bonne heure, je compare ce qu'aurait pu être ma vie à ce qu'elle est, la vie d'un tuberculeux, je constate que tout ça est absurde. Conclusion, je fais quoi de ça ? Eh bien, Camus dit « j'aime mon destin ». Voilà le sens de la dernière phrase, qu'on connaît aussi, comme la première phrase est connue, le suicide, la seule chose, etc. Eh bien, la dernière phrase, il faut imaginer Sisyphe heureux. Il faut imaginer Sisyphe heureux, ça veut dire ça. C'est-à-dire qu'il faut vouloir ce qui est pour pouvoir jubiler de la présence au monde qui est la nôtre. Et puis, il y a, avec cette façon de gérer la question de la douleur et de la souffrance, une autre proximité qui est celle du philosophe artiste. Camus n'a jamais été, donc on le sait, normalien ou agrégé comme Sartre ou philosophe institutionnel. C'est un sauvage. C'est une espèce d'autodidacte, malgré quelques diplômes à l'université. Et ce qui l'intéresse, c'est l'artiste. Et c'est le philosophe artiste. Et ça, c'est un concept qu'on trouve chez Nietzsche, qui nous dit que le philosophe artiste, ça n'est pas quelqu'un qui invente des concepts ou des personnages conceptuels, mais c'est quelqu'un qui invente de nouvelles possibilités d'existence. La tâche du philosophe, c'est ça, inventer de nouvelles possibilités d'existence. Et c'est majeur, et elles sont proposées, je vous l'ai dit tout à l'heure, dans Nos. Hein, il nous faut une éthique qui soit une esthétique, c'est la proposition dionysiaque de Nietzsche, et c'est aussi celle de Camus. La philosophie n'est pas une posture, auquel cas elle serait aussi une imposture, elle est juste une façon de vivre et d'inviter à vivre d'une certaine manière. Conclusion, avec une anecdote nietzschéenne aussi, Camus a fait des conférences en Italie en 1954 et il est allé sur des lieux nietzschéens, en l'occurrence à Turin, aussi via Carlo Alberto, c'est le lieu où Nietzsche tombe fou au pied d'un cheval qu'il embrasse par compassion et il ne reviendra jamais à la raison. Et Camus est allé dans cet endroit, il y a un texte qui raconte ça, Podache et de quelques autres qui ont raconté l'effondrement de Nietzsche. Et Camus dit qu'il n'a jamais pu lire ce récit sans pleurer. Et il fait référence à une autre histoire, plusieurs fois dans ses carnets, et une fois dans un discours à Stockholm. Quand Nietzsche a rompu avec Lou, il était dans Lou Salomé, il était dans une grande douleur, il vivait à l'époque à Gênes, et il allumait des incendies de feuilles sèches et de branches sur les hauteurs du golfe de Gênes. Et c'est une image qu'il a sans cesse poursuivie. Il conclut ainsi, enfin moi je conclus avec cette conclusion-là, Camus nous dit, en parlant de ces fameux feux d'incendie, enfin de ces feux de feuilles sèches et de branches, Camus nous dit « Leur lueur a dansé derrière toute ma vie intellectuelle. » C'était donc au moment du prix Nobel, peu de temps donc avant la fin de la vie de Camus. Donc on voit que de Sud, quand il avait 19 ans, jusqu'au dernier moment de son existence, Camus a été nietzschéen. Nietzsche l'a accompagné. Et j'espère que vous aurez vu que le nietzschéisme n'est pas ce qu'on en dit souvent, une caricature la plupart du temps, mais qu'un nietzschéisme de gauche, c'est possible, c'est pensable, et que Nietzsche a été, que Camus a été un grand philosophe et un grand nietzschéen de gauche. Merci. Les textes, bien sûr, l'idéal, c'est d'avoir les quatre volumes de la Pléiade et puis d'avoir tout. Vous pouvez acheter Nos en folio, et puis le mythe de Sisyphe existe aussi dans la collection Folio. Vous avez une belle biographie amoureuse, affective de Roger Grenier, qui s'appelle Albert Camus, Soleil et Ombre. Alain Vircandelet, Albert Camus, fils d'Alger. C'est une biographie, mais qui est une biographie sous l'angle de l'Algérie. J'ai parlé de la philosophie française, de la façon française de faire de la philosophie. Ça a un sens. Jean-François Mattei avait organisé un colloque qui s'appelait « Philosopher en français ». Aux presses universitaires de France, le Deleuze-Guattari, qu'est-ce que la philosophie, aux éditions de Minuit, un livre de Pierre Bourdieu très intéressant, Ce que parler veut dire, sous-titré L'économie des échanges linguistiques chez Fayard, et puis un livre de Michel Serres qui s'appelle Éloge de la philosophie en langue française, aux éditions Fayard. Voilà, pour la biblio. C'était Contre-histoire de la philosophie de Michel Onfray. Prise de son, Nicolas Stien, France Bleu Basse-Normandie. Collaboration technique, Centre dramatique national de Normandie. Réalisation, Véronique Villa. Demain, les questions des auditeurs du Centre dramatique national de Normandie à Michel Onfray.